إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموضوعنا اليوم الذي سنتحدث فيه هو عن كبيرة من كبائر الذنوب حرمها ديننا الحنيف تحريما قاطعا لما فيها من المخالفة، لما فيها من مخالفات كثيرة لشرع الله وضرر وظلم للناس، وتوعد الله ورسوله مرتكب ورسوله مرتكب هذه الكبيرة بوعيد عظيم. وهذه المعصية وهذه الكبيرة هي أكل الربا والتعامل به. فالله سبحانه وتعالى أحل للمسلم أن يسعى في طلب الرزق، في طلب المال من حله، وأن يتاجر بحلال ليكسب الأموال، ولم يحله أن يستغل حاجة المحتاجين ليضاعف أمواله، وأن يقترض بالربا. يقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. Le sujet que l'on va traiter aujourd'hui ou que l'on va aborder concerne un des plus grands péchés en islam, concerne un péché que notre religion a interdit, car ce grand péché contredit les principes et les fondements de cette religion, et ce grand péché a pour conséquence l'offense des gens, et de plus, Allah et son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ont annoncé un dur châtiment pour celui qui le commet. Ce grand péché n'est autre que l'usure, le fait de consommer cet argent de l'usure, ou bien de faire des transactions qui comportent cette usure. Allah Azza wa Jal a autorisé aux musulmans d'acquérir ses biens et d'avoir ses revenus de façon licite. Allah Azza wa Jal a autorisé la vente afin que chacun puisse subvenir à ses besoins. Mais Allah Azza wa Jal a interdit, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'utiliser le besoin des gens, de profiter que les gens aient besoin d'argent afin d'accroître son capital, en prêtant de l'argent avec en retour une somme supérieure, et ceci soi-disant pour compenser la durée. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: et Allah a autorisé la vente et il a interdit l'intérêt. والأصل في معنى الربا هو الزيادة، يقال ربا الشيء إذا زاد، ومن ذلك قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Et la signification de l'usure en arabe signifie l'accroissement, quelque chose qui augmente. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla a utilisé ce terme riba lorsqu'il a dit qu'Allah anéantit l'usure, wa yurbi as-sadaqat, et il multiplie et il fructifie les aumônes. Wa hada ar-riba qabihun wa madhmum wa muharramun fi kulli ash-sha'a'i fi kulli ash-shara'i'. قال بعض أهل العلم إن الربا لم يحل في شريعة قط لقوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه يعني في الكتب السابقة، ولكن أهل الكتاب حرفوا كتبهم وغيروا فيها، وقد عرف عرب الجاهلية الربا وكانوا يتعاملون به، وكان إذا استدان بعضهم من بعض وحان وقت السداد يقول الدائن للمدين تقضي أم تربي، أي كان لديك مالا تقضي دينك وإلا أزيدك في المدة وتزيدني في المال. ولكن العرب مع تعاملهم بهذا الربا إلا أنهم كانوا يعرفون خبثه وأنه كسب حرام، فكانوا لا يصنعون أموال الربا في الأمور المقدسة لديهم كإعادة بناء الكعبة. L'usure est donc quelque chose à condamner, quelque chose de répugnant d'utiliser la pauvreté des gens afin de fructifier ton argent. Et l'usure a été interdite dans toutes les religions qui nous ont précédés, comme ont dit certains savants, et la preuve dans le livre d'Allah et la parole où Allah Azza wa Jal dit, et à cause de ce qu'ils prennent comme usure qui leur avait été pourtant interdit, c'est-à-dire qui leur avait été interdit dans les livres précédents. Et cette transaction ou cette usure était connue chez les Arabes à l'époque lorsque l'un prêtait à l'autre, et que le jour du remboursement arrivait, il disait soit tu me rembourses ou soit alors je t'impose l'intérêt. C'est-à-dire, soit tu as en ta possession l'argent pour rembourser ta dette, ou bien alors je t'augmente la durée, mais tu me rendras plus que ce que je t'ai donné. Et les Arabes savaient que ceci était interdit. C'est pour cela qu'ils n'utilisaient pas cet argent dans les choses qui leur étaient sacrées. Et en l'occurrence, lorsque la Kaaba a dû être reconstruite, les polythéistes de la Mecque ont interdit à quiconque d'utiliser comme argent ou d'utiliser de l'argent interdit pour reconstruire la Kaaba. ثم جاء شرعنا المطهر وشريعتنا الإسلامية السمحة فحذرت من هذا الباب من هذا الذنب العظيم وهذه المعاملة الممقوتة التي تستغل فيها حاجة المحتاج ليسلب أو ليسلب منه ماله أو متاعه أو يقول إلى جيب المرابي. جاء الإسلام والناس يتعاملون بالربا فحرمه عليهم. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذا تحذير من أن يملأ المسلم بطنه بكسب الربا، تحذير من أن ينبت لحم المسلم من سحت الربا وفوائده، لأنه بذلك لا ينعم جسمه بل يضره ويعرضه أو يعرضه إلى عذاب الله وعقابه، يعرضه إلى عذاب الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن الترمذي من حديث كعب بن عجرة والحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. Puis notre religion qui est parfaite est venue pour interdire ce péché immense et ces transactions qui utilisent la pauvreté et la faiblesse des gens pour s'enrichir. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément, sans limite, votre capital. Et craignez Allah, afin que vous puissiez connaître la réussite. Ceci est une mise en garde aux musulmans afin qu'ils ne mangent pas et qu'ils ne consomment pas l'argent de l'usure, car une chair qui a grandi grâce à de l'argent interdit, eh bien la destinée qu'elle méritera le plus sera l'enfer, wal'iyadu billah. Ceci est rapporté dans un hadith authentique, dans Sunan al-Tirmidhi, selon Ka'b ibn Ujra, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui a grandi, ou une chair qui a grandi dans l'argent illicite, le feu sera ce qu'elle méritera de plus. إِذَا نَبَتَ لَحْمُ الْإِنسَانِ مِنْ سُحْتِ الْحَرَامِ وَمِنْ سُحْتِ الرِّبَى وَمِنْ سُحْتِ السَّرِقَةِ وَغَيْرِهَا فَإِنَّهُ يَهِيئُ أَوْ يُهَيَّئُ هَذَا الْجِسْمُ لِعَذَابِ اللَّهِ يُهَيِّئُهُ لِيَصْلَى نَارًا حَامِيَةً فَمَا أَخْبَثَ هَذَا الدِّرْهَمُ الَّذِي يَتَمَتَّعُ بِهِ الْإِنسَانُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ ثُمَّ يَعْقِبُهُ عَذَابٌ مُتَوَاصِلٌ لَا يُطَاقُ. Il y a un être humain alors qui grandit grâce à de l'argent illicite, que cet argent soit issu de l'usure ou qu'il soit issu de vol, eh bien cette personne prépare son corps, wal'iyadu billah, à être exposé au feu de l'enfer. Il utilise, ou quel mauvais argent est l'argent que tu consommes et qui fait de toi un combustible de l'enfer, wal'iyadu billah. إذا أردنا أن نتخذ وقاية من النار وأردنا أن نجعل بيننا وبين النار فعلينا أن نبتعد عن المحارم وأن نتخذ من الحلال رزقا وكسبا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن حبان وهو حديث حسن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال، أي استعينوا بما حل الله من رزق وكسب كي لا تقعوا فيما حرم الله. Le musulman doit donc se préserver et mettre un voile et un obstacle entre lui et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre lui et le feu de l'enfer. Et cet obstacle que tu dois mettre, ce sont les choses autorisées, les choses licites qu'Allah Azza wa Jal t'a permis de faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith jugé bon: mettez entre vous et les interdits d'Allah un obstacle en utilisant le licite. C'est-à-dire, accourez vers les choses licites qu'Allah Azza wa Jal vous a accordé de faire et vous a autorisé de faire. Appliquez ces choses et elles seront un obstacle entre vous et les choses interdites. والربا من أهم الأمور من أهم المحرمات بل إن الله أنذر القائمين على الربا والمتعاملين به بحرب من الله ورسوله وهو ما لم ينذر به أي عاص بمعصية أخرى غير الربا وهذا بينك وهذا يبينك بفداحة هذه المعصية. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ومعنى الآية: إن لم تنتهوا فأنتم حرب لله ولرسوله، أي أعداء لله ولرسوله. L'usure fait partie donc des plus grands péchés, des choses les plus graves qu'un musulman peut commettre. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a mis en garde ceux qui font de telles transactions. Allah Azza wa Jal les met en garde contre une guerre qu'il déclarera lui et son envoyé sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et aucun péché en islam n'encourt une déclaration de guerre de la part d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est ce péché qui est l'usure. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, craignez Allah et délaissez et abandonnez tout ce qu'il reste de l'usure si vous êtes véritablement croyants. Si vous ne faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son envoyé. هذا هو التحذير العظيم لآكل الربا فما الذي يدعو المسلم لارتكاب هذا الذنب وكيف تهون عليه نفسه فيعرضها إلى حرب من الله ورسوله حرب من رب السماوات والأرض من خضعت له المخلوقات جميعا من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وحرب من رسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين هل عاقل من يعرض نفسه إلى هذا الخطر وهل حكيم من يدخل في هذا الحرب المعلومة النتيجة. C'est donc la mise en garde d'Allah subhanahu wa ta'ala contre la consommation de l'usure ou le fait de faire toute transaction contenant de l'usure. Qu'est-ce qui pousse le musulman à faire ce péché? Comment est-ce qu'un musulman peut s'exposer à une déclaration de guerre de la part d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam? N'a-t-il pas peur qu'Allah azza wa jal, qui détient les cieux et la terre, Allah azza wa jal, auquel toutes les créatures sans exception se soumettent, Allah azza wa jal, auquel l'orage et le tonnerre glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, et les anges qui font partie des créatures les plus puissantes glorifient Allah subhanahu wa ta'ala par peur de lui, azza wa jal. Comment est-ce qu'un musulman peut s'exposer à une déclaration de guerre provenant du Seigneur des mondes? Est-ce que cette personne est intelligente? Est-ce qu'une personne qui commet ou qui consomme l'usure ou entre dans les transactions usuaires, est-il sage, est-il raisonnable de rentrer dans une guerre qui est perdue d'avance? وَلَعَلَّ مِنْ أَهَمِّ الدَّوَافِعِ إِلَى الرِّبَى قِلَّةِ الْإِيمَانِ بِمَوْعُودِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الرِّزْقِ فَلَوْ كَانَ الْإِنسَانُ مُؤْمِنًا حَقًّا وموقنا بأنه لن يحرم رزقا كتبه الله له فلن يلجأ أبدا إلى دخول باب حرم الله دخوله ولكن الثقة في الرزق مهزوزة والاعتماد على الرزق ضعيف لهذا يلجأ الإنسان إلى كل الأبواب ويلجأ إلى باب ولا يلجأ إلى باب العزيز الوهاب الذي كتب الأرزاق لعباده وحددها كما قال الله جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كما أن الإنسان إذا ابتعد عن دين الله وركن إلى الدنيا وشغف بمتاعها وزينتها فإنه لا يبالي من أي مكان جلب المال وكسبه وهذا يجعله يقع في المحظور. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء مما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. ولكن المسلم الحق المسلم الحق المسلم الصادق لا يمكن أن يستسهل أمرا لعن الله فاعله وأنذره وبالغ في ذمه لأن اللعنة تعني الغضب وتعني العذاب. فالمتعامل بالربا كما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معرض للعنة الله رب العالمين سواء كان مقرضا أو مقترضا وهذا ليس بالأمر الهين. Et ce qui pousse les gens malheureusement à commettre ou à faire des transactions usuaires. Et quand je parle de transactions usuaires, cela englobe à la fois le fait de prêter de l'argent mais également le fait d'en prendre. Celui qui prête de l'argent et demande au bout de temps, au bout d'un temps bien précis, bien déterminé, de recevoir une somme plus grande, eh bien ce surplus est l'usure qu'Allah Azzawajal a interdite. Et de même, Allah Azzawajal a maudit celui qui donne l'argent, c'est-à-dire celui qui accepte qu'on lui prête de l'argent et qui va donner ce surplus à cette personne qui lui a prêté. Les deux sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala, à la fois celui qui consomme cette usure et à la fois celui qui l'a donné pour qu'on la consomme. Ce qui pousse les gens malheureusement à avoir recours à ce genre de transactions est leur foi qui est faible, leur certitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est quasi inexistante. Ils n'ont plus la certitude que c'est Allah azza wa jal qui donne la pourvoyance, que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prédestiné, tu l'auras, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucune âme ne mourra sans que toute sa pourvoyance lui sera donnée. Le musulman ou cette personne qui commet ce péché a une foi faible et ne pense qu'au matériel. Il veut de l'argent absolument sans savoir ou sans avoir la certitude que ce qu'il va avoir proviendra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il préfère avoir de l'argent en utilisant tous les moyens possibles et inimaginables, en enfreignant les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, en n'hésitant pas à ouvrir les portes de l'interdit, tout ceci pour remplir son ventre d'argent haram wal'iyadu billah, qui feront de son corps un combustible de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et ils oublient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran lorsqu'il dit: il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis par Allah, le Seigneur de la terre et le Seigneur du ciel. Ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parliez. Allah Azza wa Jalla nous dit que celui qui nous donne la pourvoyance, que celui qui nous accorde les biens que l'on a en notre possession, et que la promesse d'Allah Azza wa Jalla qui est de donner à chacun sa subsistance est aussi vrai que le fait que l'un d'entre nous parle. Lorsque tu parles, c'est quelque chose de vrai, de réel, de concret. Eh bien, sache que la promesse d'Allah Azza wa Jal est aussi vraie et aussi concrète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cette situation que connaissent les musulmans aujourd'hui. Et ceci fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans Sahih al-Bukhari, selon Abu Huraira radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il viendra un temps où les gens auront de l'argent sans se soucier de son origine, est-elle licite ou illicite. Mais le véritable musulman, celui qui est sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne dépasse pas ses limites et ne diminue pas la gravité de faire des transactions usuaires, car la malédiction d'Allah n'est pas quelque chose de simple. La malédiction d'Allah Azza wa Jal signifie l'éloignement de sa miséricorde, signifie la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas quelque chose de simple et d'aisé. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kama fi musnad al-imam Ahmad min hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la'ana Allah akil ar-riba وموكله وشاهده وكاتبيه، فاللعنة ليست على المقترض أو على المقرض بالربا وحده، بل هي على الطرفين، بل إنها تشمل حتى من يكتبه ومن يشهد عليه، كل هؤلاء تلحقهم لعنة الربا والعياذ بالله. الخفت صلى الله عليه وسلم دي وضع حديث تنتيك عبر اختضار المسند الإمام أحمد selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qu'Allah maudit, ou Allah maudit celui qui consomme l'usure, celui qui la donne à consommer, celui qui est témoin de cette transaction et celui qui écrit le contrat, celui qui écrit le contrat usuaire. Ils sont tous au même piédestal. Ils sont tous maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. L'interdiction n'est pas uniquement à celui qui consomme, mais à celui qui donne, à celui qui est témoin de cette transaction et à celui qui écrit le contrat, qui le contrat d'une transaction usuaire. وَأَكْلُ الرِّبَى أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ وَأَكِلُ الرِّبَى يُعَذَّبُ عَلَى هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ عَذَابًا شَدِيدًا وَصَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْعَذَابِ فِي حَدِيثِ الرُّؤْيَا الَّتِي رَآهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والذي أخرجها الإمام البخاري في صحيحه من حديث سمرة يقول قال صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم أي قائم وسط هذا النهر من دم وعلى شط النهر أي على طرف النهر رجل بيده حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه أي في فمه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت أي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا الذي رأيته في النهر قال آكل الربا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de divers châtiments que subiront ceux qui font des transactions usuaires parmi ces péchés ou parmi ces châtiments, ce qui est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari selon Samura ibn Jundub radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un matin, après la prière de l'Fajr, a raconté un rêve qu'il a vu à ses compagnons, radiyallahu anhum. Et dans ce rêve, il a dit, j'ai vu cette nuit deux hommes qui sont venus à moi et m'ont amené dans une terre sacrée. Nous sommes partis jusqu'à être arrivés à un fleuve de sang. Et au milieu de ce fleuve, un homme se tenait debout. Et sur le bord de ce fleuve, un homme avait dans ses mains des pierres, et lorsque cet homme qui était dans le fleuve s'approchait, voulant sortir de ce fleuve, l'homme qui était au bord lui jetait des pierres dans la bouche. Et dans une autre version, l'homme remplissait la bouche, remplissait de pierres la bouche de celui qui était dans ce fleuve, et cet homme devait retrousser chemin et retourner au milieu de ce fleuve de sang, qu'Allah nous en préserve. Et à chaque fois qu'il essayait de sortir de ce fleuve, cet homme lui jetait des pierres dans la bouche. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ces deux hommes qui l'avaient accompagné, qui est-ce? Ils ont répondu, c'est celui qui consomme l'usure. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون لقد نظر الإسلام إلى الربا نظرة ملأها المقت والكر والكره لهذا حذر أتباعه منه وذمه لهم وقد بلغ من هذا التحذير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. الإسلام a particulièrement condamné l'usure pour tout le mal qu'il comporte, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde d'une façon virulente les musulmans contre toutes les transactions usuaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, selon Abdullah ibn Hanbala, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un dirham d'usure que consomme un être humain en connaissance de cause est pire chez Allah que de faire 36 fois la fornication. كما أنه صلى الله عليه وسلم ركز على أمر الربا فيما ركز عليه من أمور مهمة في خطبة حجة الوداع تلك الخطبة التي أوصى فيها المسلمين بأهم الوصايا يقول صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة العظيمة كما عند ابن ماجه من حديث عمرو ابن الأحوص قال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ثم يقول صلى الله عليه وسلم وإن كل الربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ألا يا أمتاه هل بلغت 3 مرات قالوا نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. هذه وصية الوادع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يغادر هذه الدنيا يوصي بها أمته ناصحا مشفقا ويشهد الله على ذلك فها تكون أمة تابعة لنبيها مطيعة له أمة تعصيه في آخر وأهم وصاياه. وماذا تنتظر الأمة إذا عصت هذا الأمر الإلهي وهذه الوصية النبوية؟ هل تنتظر رفعة وعزة؟ Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le dernier discours qu'il a fait lors du pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté ses compagnons d'un discours qui était émouvant, un discours qui comportait beaucoup de sens et beaucoup de conseils, comme quelqu'un qui s'apprête à quitter cette vie et qui donne les derniers conseils les plus précieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à ses compagnons en disant, vos sangs, vos biens, vos réputations sont interdites entre vous, c'est-à-dire qu'elles sont sacrées, comme le caractère sacré de ce jour, dans ce mois béni qui est le mois de Dhul-Hijjah, et dans cette terre bénie qui est la terre de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et toute usure, parmi l'usure anti-islamique, est abolie. À vous, votre capital d'argent, sans offenser et sans être offensé. Ô ma communauté, ai-je transmis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela 3 reprises, ô ma communauté, ai-je transmis? Ils ont dit oui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, sois témoin, ô Allah, sois témoin, ô Allah, sois témoin. C'est donc un conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, peu de temps avant qu'il quitte cette vie d'ici-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé sa communauté, lui qui ne veut que le bien, tout le bien pour sa communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a conseillé, leur a ordonné de délaisser toute transaction usuaire. Et a pris Allah Azza wa Jal comme témoin dans ce conseil qu'il a transmis à sa communauté. Que dire alors des musulmans au jour d'aujourd'hui qui trahissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne prennent pas en considération son conseil précieux et sincère, et ceci peu de temps avant qu'il ne quitte cette vie d'ici-bas? نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ونجعلنا من الذين يأكلون الحلال ويكتسبون من الحلال ونسأله تبارك وتعالى أن يباعد بيننا وبين الربا وبين المعاملة الربوية كما باعد بين المشرق والمغرب وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر.